عند الطبيب. Chez le médecin. الاستقبال. À l'accueil. السلام عليكم. عندي موعد في الساعة العاشرة مع الدكتور سلمان. Bonjour, j'ai rendez-vous à 10h avec le docteur Salman. من السيدة؟ Vous êtes monsieur ou madame? أنا السيدة درة. Je suis madame Dora. اجلسي في قاعة الانتظار. سيأتي الطبيب ليناديك بعد لحظات. Installez-vous dans la salle d'attente. Le docteur va venir vous chercher dans un moment. في حجرة الطبيب. Dans le cabinet du docteur. السلام عليك. اجلس من فضلك. ما الذي يجري لك؟ Bonjour, asseyez-vous s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? رأسي يؤلمني. أنفي مسدود. وأظن أن عندي حرقة والتهاب في رئتي وأكح. J'ai mal à la tête, le nez bouché. J'ai l'impression d'avoir des brûlures dans les poumons, des irritations et je tousse. هل هي كحة بالبلغم أم هي كحة جافة؟ وهل عندك حمى؟ Est-ce que c'est une toux grasse ou sèche? Et est-ce que vous avez de la fièvre? عندي كحة بالبلغم. وحرارتي كانت 39.2 وعندي أيضا وجع في العضلات. J'ai de la toux grasse et de la fièvre. J'ai eu jusqu'à 39.2. J'ai aussi des courbatures. هل عندك دوار أو دوخة؟ Est-ce que vous avez des vertiges? لا. Non. سأسجل ثم نتوجه إلى الكشف. كحي. J'enregistre et après nous allons passer à côté pour l'auscultation. Toussez, je vais prendre votre tension. لديك 12.8. جيد, لا يوجد شيء خطير. إنه زكام ملتهب. سأكتب لك مضاد حيوي, مضاد للالتهاب ومسكنات حتى تنامي جيدا وشراب للكحة. Vous avez 12.8. Ça va. Rien de grave. C'est une rhinopharyngite. Je vous prescris des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des calmants pour mieux dormir et du sirop pour la toux. خلال 4 أو 5 أيام ستتحسنين. لا تقلقي. خذي جيدا العلاج. Dans 4 à 5 jours, ça va aller mieux. Rassurez-vous. Prenez bien votre traitement. هذه الوصفة الطبية للصيدلية. Voici l'ordonnance pour la pharmacie. شكرا. Merci. السلام عليكم. هل يمكن أن تعطيني بطاقة المعالجة من فضلك؟ شكرا. Bonjour. Je peux voir votre carte vitale, s'il vous plaît. Merci. ما الذي يجري لك؟ Qu'est-ce qui vous arrive? ركبتي اليسرى توجعني. J'ai mal au genou gauche. هل وقعت على الأرض؟ Est-ce que vous êtes tombé? نعم, وقعت منذ عام تقريبا. Oui, je suis tombée. Je suis tombée, ça fait environ un an. هل ذهبتي لرؤية الطبيب مختص؟ Est-ce que vous êtes allé voir un spécialiste? لا. Non. ماذا تفعلي لتسكين الأوجاع؟ Que faites-vous pour calmer la douleur? تدليد. Des massages. سأفحص ركبتك. تمددي إثني رجلك وقولي لي هل تؤلمك. Je vais ausculter votre genou. Allongez-vous, pliez votre genou et dites-moi si ça vous fait mal. نعم, تؤلمني كثيرا. Oui, j'ai très mal. اجلسي. Rasseyez-vous. إن ركبتك موزمة سأكتب لك مضاد للالتهاب. Votre genou est enflé. Je vais vous prescrire un anti-inflammatoire. واصلي الدلك ركبتك بالمرهم. Continuez à masser votre genou. سأكتب لك أيضا وصفة للمسح الضوئي. Appliquez légèrement la pommade. Je vous prescris aussi un scanner. هذا اسم والرقم الهاتف للإخصاء لتأخذي في موعد معه. Voici le nom et le numéro de téléphone du spécialiste pour prendre rendez-vous. والأهم أن تعيدي ومعك نتيجة عندما تجهزي. Et surtout, rapportez-moi le résultat dès que possible. شكرا إلى اللقاء. Merci, au revoir.